Le champ de bataille n'est pas situé dans votre gros orteil, votre bras droit ou votre oreille gauche. Il est dans votre pensée. Bonjour. Les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si vous avez déjà visité un chantier de construction, vous avez sans doute observé des ouvriers qualifiés à l'œuvre en train de couler les fondations, d'ériger la structure, d'installer la plomberie et le câblage électrique. Mais bien avant la première pelletée de terre, l'entrepreneur tient en main les plans de l'édifice et ces plans définissent les tâches exécutées par les ouvriers. Notre vie chrétienne ressemble à cela d'une certaine façon. Le plan mental de notre pensée définit notre comportement. Si nous voulons voir une transformation durable de notre mode de vie, nous devons tout d'abord changer nos pensées. Cela n'est pas facile, mais l'enjeu est très important. Vous apprendrez comment y arriver en écoutant l'émission d'aujourd'hui. Voici Charles Stanley. Quand vous avez fait confiance au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, Dieu vous a donné un nouvel esprit, un nouveau cœur et un tout nouveau départ dans la vie. Mais si je vous demandais d'évaluer votre croissance depuis ce temps, certains devraient répondre « Je n'ai pas vraiment progressé depuis ». Je ne sais pas pourquoi au juste. Et d'ailleurs, comment saurais-je si je grandis dans ma vie chrétienne ou pas? Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui, car je crois qu'il existe 6 aspects qui doivent être tenus sous bride dans la vie d'une personne si elle veut devenir la personne que Dieu a envisagé qu'elle serait. On se rappelle que la Bible enseigne que nous avons été prédestinés. Cela signifie que Dieu a prédéterminé que nous serions conformes à l'image de son Fils. Dieu ne se contente pas de nous sauver de nos péchés. Il est seulement satisfait lorsque notre transformation suit son cours et que nous ressemblons à son Fils. Nous sommes donc appelés à délaisser notre ancienne manière d'être pour nous conformer à l'image de Christ. Mais pour y parvenir, Dieu doit régler 6 aspects dans notre vie. Aujourd'hui, nous abordons le premier d'entre eux. Ce message s'intitule simplement « Nos pensées ». Ouvrons notre Bible, si vous le voulez, dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou l'admiration, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de vos pensées? Cela mérite réflexion. Nos pensées déterminent notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, nos succès, nos échecs, nos actions et la direction de notre vie. Tout cela est la conséquence de notre façon de penser. C'est pourquoi il est tellement important de penser sainement. Il est impossible de mener une vie sanctifiée tout en pensant mal, car la sanctification est le produit d'une pensée alignée sur la pensée de Dieu. Une personne sanctifiée médite les voies de Dieu. Elle comprend les voies de Dieu et la pensée de Dieu. Elle cherche sans cesse à découvrir quelles sont les voies de Dieu, comment il pense, comment il agit et pourquoi il agit comme il le fait. Mais une personne qui grandit dans une maison où Dieu n'est jamais même mentionné aura une pensée étrangère à Dieu. Les voies de Dieu lui paraîtront étranges et même absurdes. Les actions et le mode de vie de cette personne ne reflèteront pas la pensée de Dieu. Il est donc impératif de nous poser la question. Que se passe-t-il dans notre pensée? À quoi pensons-nous? Et on se rappellera, par exemple, que les Écritures affirment, dans le psaume 94, verset 11, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Aucune pensée humaine n'échappe à Dieu. Il connaît tous nos pensées. Il sait ce que chacun de nous pense en ce moment même, et il sait ce que nous penserons pour le reste de notre vie. Il connaît chaque petite pensée. Les Écritures mentionnent souvent que Jésus, connaissant leurs pensées et sachant ce qu'ils pensaient, agissait d'une certaine manière. Et nous ne parlons pas seulement de ses amis. Si je vous demandais aujourd'hui à quoi vous pensez et comment vous pensez, que me répondriez-vous? Vos pensées recherchent-elles toujours la volonté de Dieu et ce que Dieu désire que vous fassiez? Cherchez-vous toujours à lui plaire? Ou décidez-vous par vous-même ce que vous allez faire? Faites-vous simplement ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans vous préoccuper de sa volonté? Vos actions dépendent de vos pensées et de votre manière de penser. Notre pensée est la tour de contrôle de toute notre vie. Elle détermine ce que nous faisons, comment nous le faisons, et les accomplissements et les échecs qui jalonnent notre vie. Il est donc très important, alors que nous désirons ressembler au Christ, que nous méditions sur le fait que Dieu nous a prédestinés à être conformes à son Fils. Et si nous voulons nous conformer à sa volonté, nous devons donc remonter aux sources et commencer par le premier aspect fondamental de notre vie. Comment pensons-nous? À quoi pensons-nous? Qu'est-ce qui contrôle nos pensées et notre système de pensée? L'apôtre Paul nous encourage, dans le passage de Philippiens, à penser aux choses honorables, afin qu'elles soient l'objet de nos pensées, de notre contemplation. Ce qui signifie qu'il faut passer du temps à réfléchir et à se concentrer sur les choses bonnes, pures, justes, et ainsi de suite. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à trouver cela difficile. Nos pensées possèdent cette tendance à s'attacher aux choses futiles ou carrément malsaines si on les laisse sans surveillance. Il semble donc y avoir un problème avec notre pensée. Voyons ce que c'est. Premièrement, quand Dieu nous a sauvés, il nous a donné un nouvel esprit, une nouvelle vie et un tout nouveau départ. Mais il n'a pas effacé tout le contenu de notre pensée accumulée jusque-là. Je sais, nous sommes probablement nombreux à préférer qu'il l'ait fait. Il nous aurait été sans doute plus facile de partir à zéro après que nous avons été sauvés, après avoir effacé toute trace de notre passé. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pour au moins deux raisons. Je vous en mentionne une. La raison pour laquelle Dieu n'efface pas tout cela, c'est parce qu'il veut que nous prenions tout notre passé, le bien comme le mal, et s'en servir. Pourquoi? Pour travailler dans notre vie afin que, tout en étant chargés de notre passé, mais changés par la grâce de Dieu, nous soyons en mesure de nous identifier avec des gens blessés, des gens qui se trouvent dans une situation pénible et qui ont des passés difficiles, de comprendre où ils en sont et pourquoi ils en sont là. Et Dieu utilisera nos échecs passés pour conduire ces gens dans une relation croissante avec Jésus-Christ. Il ne serait donc pas profitable à Dieu d'effacer tout notre passé. Dieu nous a pardonnés et nous ne sommes plus coupables devant lui. Le pardon a réglé le cas du péché, mais il n'a pas réglé le cas de la pensée. Nous pouvons donc comprendre pourquoi, même après avoir été sauvés, nous pouvons encore être importunés par des pensées, des idées, des systèmes de pensée, des habitudes qui datent d'avant notre conversion. Nous avons été élevés de cette façon. C'est ce que nos parents disaient et pensaient. Peut-être avez-vous grandi dans un milieu social où il était interdit de faire ceci et il était interdit de faire cela. Et toute votre vie a commencé comme une liste d'interdits. Et votre façon de voir la religion, et spécialement la vie chrétienne, se résume à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Je devrais, j'aurais dû, et je dois faire ceci et cela. Et au lieu de marcher dans la grâce, l'amour et la bonté de Dieu, dans les plaisirs que Dieu nous accorde, nous sommes limités par les « je ne peux pas faire ceci et cela ». C'est une mauvaise façon de penser, et nous en sommes affectés. C'est alors que Satan apparaît. Il profite de notre mauvaise façon de penser, des mensonges qui nous ont été enseignés, et il nous harcèle, même après notre conversion. Il prendra racine dans notre vie et il y construira une forteresse si nous n'y prenons pas garde. Nous ne pouvons donc pas tout effacer et dire « Vous savez, ça ne me dérange même plus, car Satan continue de harceler les croyants. » Et plus Dieu vous utilise, et plus Satan s'occupe de votre cas. Et où va-t-il concentrer son attaque? sur le bout de vos orteils? Non, il va s'attaquer à votre pensée. La pensée du croyant est le champ de bataille de Satan. Il fera tout en son pouvoir pour contrecarrer le plan de Dieu et déformer votre pensée. Son but est que vous soyez satisfait de vivre et d'agir comme le monde le fait. Et voici le deuxième problème avec notre pensée. On pourrait l'appeler une mauvaise entrée d'information. Cela veut dire que nous laissons pénétrer dans notre cerveau des informations qui n'ont aucun rapport avec Dieu et qui lui sont même hostiles. Nous devons non seulement composer avec ces vieilles pensées qui datent d'avant notre conversion, mais nous sommes également aux prises avec de mauvaises informations. Prenez l'exemple de la télévision. Vous vous asseyez devant votre poste de télévision un soir pour vous détendre. Que se passe-t-il? Pouvez-vous relaxer entre deux messages publicitaires? Non, car on essaie à tout prix de vous vendre quelque chose. Et les publicitaires débarquent chez vous par le biais de votre téléviseur pour vous dire que vous ne pourrez pas être heureux avant d'avoir acheté tel produit. Vous achetez alors ce discours, et bien vite, vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, car vous n'avez pas ce qu'on vient de vous montrer. Vous pensez dès lors comme les publicitaires veulent que vous pensiez. Vous êtes donc assis devant votre téléviseur dans un état de passivité dangereusement proche de l'hypnose. Or, cette boîte de plastique est une source de corruption morale. Elle est malsaine si on ne fait pas le tri. Que se passe-t-il alors? Vous écoutez le son des voix. Vous regardez, votre pensée photographie tout ce que vous voyez. Tout s'enregistre dans votre cerveau et votre pensée. Ce que vous venez de voir et d'entendre fait désormais partie de votre vie et de vos processus de pensée. Et cela se mélange à tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti et tout ce que vous avez vécu. Personne ne peut rester assis le soir pendant 3 ou 4 heures, soir après soir, mois après mois, année après année, à avaler tout ce qu'on nous dit à la télé pour ensuite espérer mener une vie chrétienne. C'est impossible! Parce qu'à force d'avaler ses pensées ou ses idées d'une morale douteuse, nous pensons comme on nous force à penser. Nous agissons comme on nous suggère d'agir et ces pensées ou idées finissent par nous imprégner. Aussi, non seulement les gens sont-ils influencés par les journaux et la télévision, mais ils acceptent aussi des choses qu'ils n'auraient jamais tolérées auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un appétit pour elles, car on leur a fait croire qu'il s'agissait d'un nouveau mode de vie. Si vous voulez être à la page, vous devez vous mettre à jour, car vous ne voulez pas être considéré comme vieux jeu. Vous devez donc adopter un nouveau sens des valeurs dans cette société évoluée. Je n'ai pas dit meilleur, j'ai dit nouveau. Mais la société de consommation dans laquelle nous vivons nous a vendu l'idée suivante. Si c'est nouveau, c'est forcément meilleur. Comme nous voulons être acceptés par notre culture, nous laissons notre culture déterminer ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est précieux. Et cette culture a maintenant pénétré nos églises, car nous parlons actuellement du peuple de Dieu. Je ne parle pas des incrédules, car ils sont aveugles aux choses divines. Le problème découle de ce fait. Nous avons accepté la pensée de la culture ambiante. Ce que l'on considérait autrefois comme un péché ne l'est plus guère à présent. Les valeurs ont changé. Aujourd'hui, dans notre société, de nombreux dirigeants contrôlent ou tentent de contrôler la pensée des citoyens. Ils ont à ce point réussi à infiltrer nos cerveaux que nous pensons maintenant comme le monde pense. Et quand le monde observe les chrétiens agir, il peut bien dire « Je ne vois pas beaucoup de différence ». Pourquoi? Parce que nous avons laissé le champ libre à ces mauvaises informations. Même les chrétiens pensent comme les gens pensent. Or, si nous pensons comme eux, nous agirons aussi comme eux. Et si nous agissons comme eux, qu'arrivera-t-il au sel de la terre, à la lumière dont Jésus parlait? Il disparaîtra, et tout sera très, très gris. Les Écritures enseignent que Dieu connaît chacune de nos pensées. Aucune partie de notre pensée ne lui est inconnue. Pourtant, beaucoup de croyants gaspillent leurs 12 à 14 milliards de neurones cérébraux pour des choses qui les détruisent au lieu de les employer à des actions bonnes, justes, saintes et édifiantes. De plus, nous développons un esprit d'hostilité. La Bible nous révèle que les choses de la chair sont hostiles à Dieu. Or, si nous laissons le contrôle à cette partie de nous qui veut agir indépendamment de Dieu, que se passera-t-il? Tout à coup, nous deviendrons rebelles à l'autorité de Dieu. Cela arrive continuellement, même dans notre propre vie. Supposons que ce livre, la Bible, soit au cœur de votre pensée. Il vous dirige. Vous vivez alors en accord avec son contenu. Mais quand vous le délaisserez quelque temps ou pour une plus longue période, vous abandonnerez les points de repère qui vous guidaient dans la bonne direction. Car telle est la puissance de votre pensée. Et que se produira-t-il? Vous deviendrez hostile à Dieu, car vous aurez alors développé un appétit pour des idées pas toujours morales. Et quand cela arrive, les choses pures commenceront à vous irriter. J'ai vu cette situation se produire de nombreuses fois. Des gens qui marchaient autrefois dans l'esprit se mettent à dériver, à se laisser aller, à s'éloigner de la parole de Dieu. Ils n'entendent plus la parole de Dieu. Ils ne la laissent plus les imprégner. Ils ne veulent plus rien entendre. Voici donc où nous en sommes. Nous adorons comme des chrétiens, nous prions comme des chrétiens, mais nous ne vivons pas comme des chrétiens et nous ne pensons pas comme des chrétiens. Comment le croyant pense-t-il? Il doit penser comme Dieu pense, car le Seigneur travaille dans notre vie pour nous amener à penser comme il pense. C'est son plan et son objectif. Toutefois, il nous arrive de développer des forteresses dans notre vie. Une forteresse est un aspect de notre pensée qui est passé sous le contrôle de Satan. Nous l'avons laissé entrer, il a planté sa pensée en nous et elle a commencé à germer et à influencer notre façon de penser. Et Satan utilise désormais cette jeune pousse pour influencer notre processus de pensée dans le secteur qui est maintenant sous son contrôle. Et que fait-il alors? Il nous incite à penser d'une manière impure dans ce secteur de notre pensée qu'il détient, à rationaliser et à nous trouver des excuses pour continuer à penser de cette façon. Car il sait que si nous continuons ainsi, nous dériverons et nous nous éloignerons de Dieu, de sa volonté, de son but et de son plan pour notre vie. Une forteresse représente donc un danger dans la vie chrétienne, car tout se joue dans nos processus de pensée. Satan s'est donné pour mission de nous inciter à penser comme le monde pense et à le rationaliser jusqu'à ce que nous vivions finalement comme le monde vit. Une forteresse est un aspect de notre pensée passée sous le contrôle de Satan. Toutefois, Satan ne peut pas violer l'accès à votre pensée. Votre pensée est votre espace privé. Il ne peut pas s'imposer. Il doit donc vous persuader de lui ouvrir la porte. Quand il vous tente et que vous acceptez de le laisser entrer, quand vous acceptez une pensée, une attitude, une action ou même une habitude, vous l'invitez à rester chez vous. Cela revient à accueillir l'ennemi et à lui permettre de construire une forteresse, c'est-à-dire un endroit où il peut se défendre et vous influencer dans vos décisions. Y a-t-il un aspect de votre vie qui vous donne continuellement du fil à retordre? Peut-être une habitude de vie à laquelle vous semblez accroché. Vous savez maintenant pourquoi. Peut-être pensez-vous parfois des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. Il peut même vous arriver de prier et soudain, Satan vous envoie une pensée. Dites-vous alors que vous n'êtes pas tenu de l'accepter. Vous pouvez soit l'exclure, soit l'accepter. Vous est-il arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit en pensant à quelqu'un, à une situation ou à un projet de travail sans pouvoir contrôler ses pensées? Supposons, par exemple, qu'une pensée surgisse dans votre esprit. Il pourrait s'agir d'une pensée de convoitise, d'une pensée mauvaise, ou peut-être une pensée méchante à l'égard de quelqu'un. Quand cette pensée vous frappe, criez simplement à Dieu. « Père, au nom du Seigneur Jésus, j'en appelle au sang du Christ pour couvrir ma tête en ce moment et changer ma pensée. » J'ai souvent essayé ce truc et je peux vous dire que Dieu transformera votre pensée. Il vous libérera de la chose qui vous a piégé à ce moment. Dieu désire que vos pensées soient droites et pures. Et quand vous le suppliez, il vole à votre secours. Mais si vous aimez cette pensée et que vous prenez le temps de la savourer, c'est une toute autre affaire. Vous devez immédiatement crier à Dieu et lui demander de couvrir votre tête. Il le fera, car c'est son désir. Nous allons maintenant réfléchir à un autre aspect qui représente un problème pour notre pensée. Lisons la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Les incrédules vivent dans le péché, désobéissent à Dieu et essaient désespérément de vivre sans Dieu pour une raison fort simple, Satan les a aveuglés. Il les a rendus tellement aveugles qu'ils se disent « Bah, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce que je veux !» Mais un peu plus loin, au chapitre 11, voyons ce que l'apôtre Paul dit aux croyants. Chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Paul craint que vos pensées se corrompent. C'est exactement le but que Satan poursuit dans votre vie. Et c'est pourquoi il désire ériger une forteresse dans votre pensée. Cette forteresse peut concerner vos finances, vos relations, vos doutes, vos peurs, particulièrement la peur du rejet. Et s'il peut prendre pied dans votre pensée, Satan vous influencera. Pour chaque combat que vous devez livrer, le champ de bataille est situé dans votre pensée. Qui dirigera votre pensée? Qui sera aux commandes de votre vie? Jésus-Christ le Seigneur sera-t-il le maître de votre vie ou avez-vous décidé d'être votre propre maître? Avant de répondre, sachez bien ceci. Vous n'avez pas l'option de diriger votre vie ou de laisser Dieu la diriger. Aucun homme ou aucune femme n'est jamais le maître de sa propre vie. Si le Seigneur n'est pas le maître de votre vie, c'est Satan qui l'est. Et le plus ironique, mais aussi le plus tragique, ce sont les incrédules qui prétendent que personne ne va contrôler leur vie, car ils sont de libres penseurs. Satan les a complètement aveuglés. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sous son contrôle, et le croyant peut également s'y laisser tromper. Satan est très rusé. Il vous enverra quelque chose qui semble tout à fait correct. Tout ce qui attire la chair et tout ce qui vous fait sentir bien dans votre peau sera attirant pour vous si vous ne faites pas attention. La question est de savoir si cela vient de Dieu ou non. Il existe plusieurs choses absolument et totalement impures qui peuvent vous paraître correctes à cause de la façon dont elles sont présentées et expliquées. La question est encore de savoir si cela vient de Dieu ou non. Certains d'entre vous n'ont jamais fait confiance à Jésus comme sauveur et se demandent en quoi tout cela les concerne. Je vais vous le dire. Satan vous a aveuglé toute votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez peut-être, « Je ne me suis assez bien débrouillé jusqu'à maintenant. » Mais un jour, vous mourrez, et ensuite viendra le jugement de Dieu, et d'ici là, plusieurs événements se produiront dans votre vie. Considérez ceci. Si Dieu existe, et il existe, il vous a créé et il vous jugera comme créature. Aurez-vous rempli le rôle qu'il vous aura assigné en tant que créature, ou aurez-vous vécu par et pour vous-même? N'est-il pas plutôt imprudent d'essayer de vivre votre vie sans vous préoccuper de lui alors que vous comparaîtrez un de ces jours devant ce Dieu saint, juste et pur, qui vous jugera? Pensez-vous vraiment qu'il va vous dire « Tu n'as fait aucun cas de moi durant toute ta vie, mais ce n'est pas grave. entre dans mon ciel et viens vivre avec moi pour l'éternité. » Si vous croyez cela, vous avez vraiment été trompé. Mais si vous demandez au Seigneur Jésus-Christ de pardonner vos péchés, et si vous lui dites que vous voulez un nouveau départ dans la vie et vivre avec ce qu'il vous a réservé de meilleur, il le fera. Car en vérité, plusieurs d'entre vous doivent admettre que présentement, la vie ne leur offre pas ce qu'il y a de meilleur. Quelque chose ne va pas. Vous n'avez aucun but dans la vie. Votre vie n'a aucun sens. Et vous prendriez un nouveau départ si vous le pouviez. Vous ne pouvez pas remonter dans le temps au jour de votre naissance, mais vous pouvez repartir à zéro. Vous pouvez naître de nouveau en invitant le Christ à venir dans votre vie. Car lorsque Christ a accepté la croix, il est mort pour vos péchés passés, présents et futurs. Il vous pardonnera tout ce que vous avez fait. Vous pouvez recommencer votre vie en lui demandant simplement de vous pardonner, en sachant que ce n'est pas par qui vous êtes ou ce que vous avez fait qui motive son pardon, mais plutôt qui il est et ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Jésus est mort pour vous. Si vous croyez en lui, l'Esprit de Dieu viendra dans votre vie et il vous permettra de penser comme il pense. Vous ne prendrez jamais une décision plus importante que celle-là. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant. D'ouvrir votre cœur et de recevoir ce que Dieu vous offre, la personne de Jésus-Christ. Invitez-le maintenant. Vous ne pourrez pas changer vos pensées par vos propres forces. Une transformation véritable n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Et son assistance est disponible pour toute personne qui fait confiance à Jésus-Christ comme Sauveur. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, Charles Stanley vous a encouragé à prendre cette décision dès aujourd'hui. Le Saint-Esprit pourra alors changer radicalement votre vie. Dieu connaît tout de nous, comme il est écrit dans le psaume 139, versets 3 et 4. « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.